Régis, moi j'avais mon pharmace Billy. Et au checker j'avais mon 762. Avant mes chèques battaient pour des billes. Maintenant on se fume pour des litres en beurre. Crache les balles, ramasse les yeux doux. Ta pétasse nous fait les yeux doux. Mes chèques vont niquer ça de chaque. Elles sont moundé les moundi pour moui. Que des soldats sur le AV. Mais dès tu finis après si t'as planté. Nique sa mère en Hollande, mon DPI, Bangova et les gosses sont blindés. Me casse pas les couilles, négro, j'ai le flow amigo. J'me mélange pas tous ces pédés, puis la migos. J'suis né pour baiser le game et baiser le homme. Ah oui, moi dans le game, j'me proclame yormé. Validé de l'île, Paris à Miami. J'écris tous mes textes, tout check sous entrée. J'sais que c'est la même avec ou sans deux, oui. Oh, à ce qui paraît, tu brasses, à ce qui paraît, t'as dealé. Arrête tes blabla dans tes poches, y'a même pas de quoi j't'ai tué. Mes chéguets récupèrent et distribuent comme ma couille. Pendant que toi tu fais des blaires, des mensonges gros comme ma couille. Sur la vie de ma reine, sur la tête de ma reine. Et tous ces fils de pute qui parlent dans mon dos, j'ai deux guides, je les place, j'enlève et je la remets. Ouais, je la remets. Mon négro quand je rafale, ça fait pa-pa-pa. Gradué validé par le duc, c'est alors pa-pa-pa. Je la prends sur le mur, elle se colle à mes gros bras. Et je baisse ta vieille, elle me suce ta queue. Et je crache des perles comme Paul Pogba. Je suis venu au monde en paix, mais je suis un tueur né. Dans le game, on me compare à des tontons. Je suis un nouveau-né. Au régiment, j'avais mon pharmace Billy. Et au checker, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant, on se fume pour 2-3 litres de beurre. Au régiment, t'avais ton pharmace Billy. Et au checker, t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. N'arrachasse pas ton gros gamas. On baisse tes rappeurs, demande à Kamas. La chambre du gradure, sans de rééducation. Je baisse leur mère, et gradure, fais leur éducation. J'en ai rien à foutre de tous ces pédés qui parlent. Rien à foutre de tous ces MC qui chattent. Le diable demande comment je fais pour salement trapper sans avoir signé un pas. Machallah, je vais mourir comme un soldat brave. Je vais pas évoquer le chétan dans mes cantiques comme ses traps. Petite pétasse, si tu me suces, faut avaler le star. Il disparaîtra dans ta gorge aussi vite qu'on l'appellera Caster. Je comprends pas le gradure et vulgaire, mais c'est salope qui est. On sort de dol, on baisse ta daronne comme Bernard Hopkins. Ces pétasses veulent m'habiter, ils croient qu'ils vont me trahir. Tu m'as donné ton hume, tu croyais que j'allais t'appeler, mais qu'est-ce que tu croyais? T'as vendu 2-3 bars et tu te la joues au quartier. Moi je contrôlais mon régiment, entrée et lunettes quartier. D'ailleurs putain de gamos, tu crois que j'ai acheté comment? Je viens d'arriver, je prends leur place, ils comprennent pas comment. Je suis comme un ovni venu de nulle part. Je rafale tous ces pédés de rappeurs pendant la douce part. Bah ouais, dans ce putain de game, j'ai pas de copie. Bah les coups que ces petites salopes me prennent pour une pâle copie. Au régiment j'avais mon pharmace Billy. Et au checker j'avais mon 762. Avant mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant on fume pour 2-3 litres de beurre. Au régiment t'avais ton pharmace Billy. Et au checker t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. Chèque 59243. Chèque